Chick Me, Alpha 520, check la famille, James Capage, Despo Roots, Tequila, encore, James Cap, avec tes fonds, vas-y, mets-les tous d'accord. Mais ouais, n'oublie pas BDT, t'écoutes. James Capage, trop bas dans les enceintes, baisse le sol, fou enceinte, de chien sang, tu frôles les empreintes. Mais mal, comme en tôle, ceux qui pointent à l'habitude quand pareil, je ferme ta gueule ici en tu fouette man. C'est pour mes sauces, ceux avec qui je traîne, ceux qui m'engraînent à cracher les bastos, sorti de mon arène. Pour moi ça pratique, adversaire trop caisse, il trop naze, ça pue la merde, putain c'est critique. T'as beau jouer les gangsters, t'as ma bite dans le hug, même avec un revolver, ça jamais crédible. Oh shit, fais gaffe quand tu lèches les boules, trop de suspites, t'étouffes, sperme au fond du grossier. Encore Despo, paraît tes fonds. On vient stocker la France Production. Vas-y, mets les tous d'accord. Ben ouais, ben ouais, n'oublie pas, pavillon tes sous. Pose la cagoule, t'as rien compris chien. C'était pour les insoumis, terroristes entiers, hein? Tu chiales tout le temps, PD. T'as des faf, va chercher des R, c'est négro. Trois types d'hommes glissent partout, PD. Vas-y, dis. Les trappes, les savons et le guerrier, PD. Je viens court-circuiter la transmission de vos conneries dans les oreilles des petits. Bim, bim, au choc et bim, bim. C'est hardcore la France, ma côté en chute libre depuis qu'ils jardent leur écart et les bugs de force. Journal du hard avec Bardo et Larry Deuf. Tu kiffes pas, je t'en ai un de négro tout neuf. Hardcore, t'es qui là? Paraît que t'es fort. Vas-y, mets-les tous d'accord. Ben ouais, n'oublie pas, vider le bel, t'écoute. Ferme ta gueule, grosse salope, t'as mon shit dans la bouche. Y'a l'équipe sur la touche et les sacs de cartouches. La classe des meurtriers au cœur meurtri. Oh, fais ton taf, salope, et cesse les cris. On m'a dit, dès que c'est aigri, adoucis le flow, c'est mort. Les vaches ont maigri, travestis le commando. Mec, t'es malade, 95 zik, on chante pas de balade. Les grenades dans les poches, ma gueule, j'ai trop l'anzala. Reste pas là si t'as pas les toffes, négro. Dans le coffre, j'ai baïonné votre hip-hop, négro. La gueule volante hip-hop. A défourailler le son, fait tueur et le sang, c'est du 95400. Encore, Stony, paraît que t'es fort. Vas-y, mets-les tous d'accord. Ben ouais, n'oublie pas, viens chancel, t'écoute. C'est le début de l'offensive, nouvel album Abdoulaye, c'est la guerre promise. Ils ont découpé nos frontières à la règle. Avec le code civil et ma bitch, ranec de la paix. Soyons réalistes comme le pied, demandons l'impossible. Roquette artisanale, 95 fusibles. Les pirogues de l'espoir coulent pour aller en Europe. CRS matraque sans papiers à l'époque. Qui peut me dire, ça ira? Impossible comme un film de Huck sur Al Jazeera. On cultive le culte du martyr. Sans gilet pare-balles, on rigole quand les bleus tirent. Encore, Alpha, paraît que t'es fort. Vas-y, mets les tous d'accord. Ben ouais, n'oublie pas, à Dakar on t'écoute. Ben Laden musique et mon cœur palpite. Quand je parle, le soleil et la lune se gravitent. Man fait nos coups secs, Lucifer au pare-brise. Mes armes sont célestes, moi je tire sur Belzebuth. La vérité est négro, c'est que la big grave me manque. Ça fait bizarre de rentrer sans cagoule à la banque. Les majors ont peur de moi, je les ai rendus amnésiques. Moi j'ai violé leur terre, dévalisé leur boutique. Solitaire dans mon art, dans le rap j'ai pas d'égal. J'entends pas les négros, j'suis dans R Sénégal. Contre vents et marées, ghetto fab. Encore l'état va nous faire croire, Ben Laden et moi, Encore, Nino, paraît que t'es fort. Vas-y, mets-les tous d'accord. Ben ouais, n'oublie pas, vie est belle, t'écoute. Sous le soleil du diable, y'a pas d'ombre, y'a pas de gilet sous mon suite. Y'a dans le cœur, y'a pas de pardon, y'a des crochets. Des diables, des morsures à l'oreille, c'est un ring. La vie, même quand on paye aux règles, c'est nord, sud, est, ouest. Big up au pays, on sera jamais intégré avec nos boubous, nos wesh wesh. Les treillés sont de sortie, tu peux creuser les tranchées, alarme déclenchée. Ta chute, c'est le béton qui l'amortit. T'as lâché le téton de la daronne pour un automatique. T'attends que Marianne écarte comme Sharon Stone, tu la pratiques, baisse la théorie. Tactique, banlieue zarde, arme de première catégorie. Monsieur putain de boss. Pour tous les rappeurs qui veulent s'engager à l'UMP, retour au vrai rap, ma gueule. C'est open. Du rap authentique. Pas de blabla, pas de bluff, pas de blani. Tu vois ce que je veux dire? Les pères spirituels, tout ça. Et son buzz, il arrête pas de grossir à ce rap-là. Rien à voir à l'autre bâtard de Bruno Bossi. Despo Rucci, Elieno, Arsonix. La musique, mon Alpha frère. Alpha 520, la pharmacie, mon pas frère. Pas la posture, mon James frère. James Capage, Michi Soubois, mon fermé. Hey, Tequila, Carl Monotox, Stomy Bugsy, Roots, Rime passionnelle, Roots, Mystique.